J'étais un faible enfant, elle était grande et belle. Elle me souriait et m'appelait près d'elle. Debout sur ses genoux, mon innocente mère parcourait ses cheveux, son visage, son sein. Et sa main, quelquefois aimable et caressante, feignait de châtier mon enfance imprudente. C'est devant ses amants auprès d'elle confus que la bien-volonté me caressait le plus. Que de fois, mais hélas, que s'entend à cet âge, les baisers de sa bouche ont pressé mon visage. Et les bergers disaient, me voyant triomphant, oh, que de bien perdu, oh, trop heureux enfant.